السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on a vu ensemble les deux premiers ennemis des quatre ennemis que Cheikh Mohammed Imam a cité dans son épître. Ô toi le musulman, tes ennemis sont au nombre de quatre. On avait fait une introduction et on avait dit beaucoup de choses au niveau de cette introduction. Et après, on s'était attaché à étudier le premier ennemi, qui est quoi? L'âme, le nafs, et puis ensuite, le hawa, qui est la passion. Alors, qui sait me faire un résumé? Ce qui me fait un résumé de l'introduction et du premier ennemi, il a un livre. Qui se lance? Il y a un livre de Cheikh Moukoubil en français et un livre de Cheikh Al-Athaymine. C'est tentant. Hein. Un résumé de ce qu'on a vu dans l'introduction par rapport au livre. Vas-y. Et le premier ennemi, l'âme. Je t'ai déjà aidé en fait. N'oublie pas de la synthèse que j'ai donnée hier. C'est quoi ce cours qu'on est en train de faire? C'est de qui? C'est quoi? C'est pourquoi? Si tu l'aides, vous partagez le livre. Hein? C'est les quatre ennemis en fait, les quatre ennemis de l'homme. En fait, c'est pas les quatre ennemis les seuls. C'est les quatre principaux et les quatre globales, on va dire. Pour mieux se défendre contre eux, pour se réparer. Après, l'âme, c'est le premier ennemi, c'est l'âme. Attends, l'introduction, attends, c'est tout ce qu'on a vu dans l'introduction? On a vu autre chose aussi. Je pense bien. J'ai dit, vous partagez le livre. Moi, j'ai dit, celui qui fait le résumé, je vous donne un livre. Après, on ne va pas le couper en pages. Je vais laisser le livre. Hein. Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, en fait, je veux dire que, en gros, moi j'ai compris que, pour résumer, faut se renseigner au sujet de l'âme. Parce que si on est ignorant à son sujet, elle nous mènera à sa perte. C'est déjà aussi comme lui au premier ennemi. Vous voyez, c'est important l'esprit de synthèse. Il faut avoir des gros points parce que vous essayez trop de vous attacher aux détails. Y a des points que vous devez retenir. Et après, peut-être ça, vous pouvez détailler. Mais au moins, les gros points, les grandes lignes, on va dire, du cours. C'est difficile de retenir un cours tout en détail. Hein? Mais si tu as les points principaux et que tu suis les lignes principales du cours, après, tu peux, avec ta compréhension, avec ce que tu as retenu comme preuve et comme détail, tu peux peaufiner ça. Voilà. Si tu n'as pas les grandes lignes, tu n'auras pas les petites lignes non plus. Donc, ce sera comme des informations qui ne sont pas organisées. L'introduction. Tu n'étais pas encore dedans. Non, en fait, je suis en train de manger. Ah! Donc, okay. J'ai entendu, mais. D'une oreille. Bah, des deux, en fait. Vas-y. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné quatre résistants pour pouvoir résister aux quatre ennemis. Ok. Juste une question, on n'a que quatre ennemis? Non, on n'a pas que quatre ennemis, mais ceux-là, c'est les quatre principaux. Ok. Ils sont plus élevés que les autres. Pourquoi ils sont principaux? Parce que c'est les premiers ennemis. Hmm? Parce qu'ils sont plus forts que les autres. C'est les plus durs, les quatre, c'est les plus durs. Il a dit parce que c'est ceux qui nous dominent le plus et qui nous touchent le plus. Et voilà. Il en a cité un cinquième. Il a dit il y en a d'autres, mais il en a cité lui-même déjà un cinquième. Il est là, hein, hein? Il est là. Ah, Shayat il ins. Non, c'est juste. Vous partagez le livre après ou... hein? Hein? Et alors, et après? La traduction, c'est tout ce qu'on a dit. Hein? Vas-y. T'as regardé tes notes, toi, je t'ai vu. N'oublie pas, je suis prof, hein. C'est vrai que j'ai juste un peu d'œil. Hein? N'oublie pas, je suis prof, hein. Je regarde, mais je regarde l'autre côté aussi. Il n'y a pas de triche en classe. Je leur dis leur réponse. Vas-y. Pour chaque ennemi, on a ça. On a ce qui nous permet de combattre. Il l'a déjà dit. Donc d'une part, il faut connaître l'ennemi et d'autre part, il faut... C'est tout, rien d'autre. Mais personne. Hier, tu es revenu sur un point important après le poème, que tu avais dit que c'était ça qui était vraiment important, c'est par rapport... il faut les combattre et il ne faut pas se laisser, il faut pas leur laisser de répit et il ne faut pas se laisser abattre par c'est juste. Ah, c'est juste. Rien d'autre. Non? Là, je vais voir mes notes, hein. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas tout lu, je ne sais pas. On a apporté une parole de Ibn Qayyim, rahimahullah, sur le jihad. Afdalou, akbarou, ahsanou, afradou. Le jihad le plus obligatoire, c'est le jihad de quoi? Le jihad, c'est tout. Ibn Qayyim, il a cité les quatre ennemis, en fait. Il a dit, le combat le plus obligatoire est le combat contre l'âme, et le combat contre la passion, et le combat contre Satan, et le combat contre l'ici-bas, yani dunya. Fin de citation. Yani, c'est quoi? Cheikh Mohamed, l'imam, il t'a dit les quatre ennemis, et puis t'as rapporté cette parole qui concerne ces quatre ennemis. Il te dit que le combat le plus important, le plus obligatoire, c'est ces quatre-là. Cernez un peu maintenant, c'est pour ça qu'il a cité d'ailleurs cette parole. Donc, Mohamed, l'imam, c'est pas le seul qui l'a dit, il y a des savants avant lui qui ont dit ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il s'est attaché à étudier ces quatre-là. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre par rapport à l'âme maintenant? L'âme est très incitatrice au mal. Ouais, c'est tout? C'est quoi ta preuve? Même en français, c'est pas un problème. Ou les références, au moins que tu saches où. Allez, vas-y, je t'aide. C'est quoi l'histoire qu'on a racontée qui... Ah là, vous me perdez avec les livres, là, sarahatan, hein? Hein? Je vais en mettre un au milieu, vous débrouillez. Hein? Mais par rapport à ce qu'il a dit, l'âme est très incitatrice au mal. C'est juste ce que vous dites, mais on a cité un verset. C'est Allah dans sa miséricorde, quand il a insufflé la vie à l'âme, il a insufflé à vous quatre. Résistant, tu veux dire? Lui, ce qu'il veut dire, c'est par rapport à Surat Yusuf. Et puis après, on a cité aussi le verset qu'il a dit sur Qabil et Habil. Hein? On a parlé de celui qui s'abandonne à son âme et aux caractéristiques de l'âme. On en a cité beaucoup. Vous savez, la bassesse du scarabée et tout ça. Hein? Vous vous souvenez, hein? Et qui s'abandonne à cela et qui ne fait pas d'efforts, alors sa nature fait partie de ce genre et son âme, elle ne convient pas à une marchandise. Comme marchandise à une transaction. C'est quelle la transaction? Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes. Surat Tawbah. Car Allah Azza wa Jalla n'a acheté qu'une marchandise qui était rectifiée par la foi. C'est une parole de qui ça? Ibn Qayyim. Qui sait me donner deux exemples de ce à quoi l'âme peut amener comme mal? La jalousie par rapport à l'histoire que tu as dite? des deux fils d'Adam. Et quoi d'autre? Deux exemples, hein, qui est concret de ce qui. Voilà, comme avec l'histoire de Mrat al-Aziz, la femme du roi d'Égypte, avec Youssef alayhi salam. Je parlais ici de deux choses, parce qu'il a cité des exemples en fait. Et il y a quelqu'un qui a dit que les plus faibles des gens sont ceux qui, et les plus forts des gens sont ceux qui. Là, c'est un texte lacunaire, là, je vais juste remplir les trous. Là. Hein? Vas-y. Hein? Non, c'est qui a dit ça? Al-Qasir, Al-Qisar. C'est pas loin. Et là, c'est Ibn Jawzi qui a cité sa parole dans Dhammul Hawa. Dans Sourate Shams, Allah Azza wa Jalla dit wa qad khaba man dassaha. Qu'est-ce que ça veut dire dassaha? Allez, il la corrompt. C'est quoi la corrompre? Corrompre l'âme. C'est-à-dire il la laisse se souiller de péché et la corrompt par les péchés et ne s'empresse pas de la réformer. Il y a une très très belle parole de Abu Ali al-Daqaq. Il a dit, celui qui contrôle son désir dans sa jeunesse, non, Allah en fait un roi dans sa vieillesse comme qui? Comme Yusuf alayhi salam. Il y avait une doua rapportée par Zayd ibn Arqam du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il disait par rapport à la purification de l'âme. C'est quoi? Si vous ne la connaissez pas, étudiez là, elle est très courte, elle est très importante. Oh Allah, inspire à mon âme sa piété et purifie-la, hein, jusqu'à la fin du doua. Le deuxième ennemi, la passion, qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? Ah oui, on a oublié par rapport au premier ennemi. C'est quoi ton résistant qui t'aide à combattre cet ennemi? Le cœur. Pourquoi? Quoi l'amour d'Allah? Ah voilà. Le cœur, c'est le récipient, c'est l'endroit où? Hein, de l'amour d'Allah, Azza wa Jal, et de quoi d'autre? La crainte d'Allah, de quoi d'autre? Placer sa confiance en lui, tawakkul, quoi d'autre? Hein? Quoi d'autre? L'espoir, mon lapacité, hein, naam. Quoi d'autre? L'acceptation de sa législation et la soumission à son jugement. Deuxième ennemi, c'est la passion. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la passion, qu'on résume et qu'on puisse avancer? Le résistant à la passion, c'est la raison. Le résistant contre la passion, c'est la raison. Oui, naam. Mais avant de parler de résistance, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la passion? La passion, elle lutte contre la raison, ça. Et elle la couvre de, elle couvre sa lumière. Et si la lumière de la raison est couverte, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais plus distinguer entre le bien, le mal, le vrai, le faux. Non. Quelle est la caractéristique de la raison et quelle est la caractéristique de la passion? La raison, elle t'appelle à ce qui t'est. Et tu mets en garde contre ce qui te perd. Non. Al-Hassan ibn Ali al-Mutawwi'i, il a dit quelque chose par rapport à la passion. Il a dit que c'était l'idole de chaque personne. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette idole? Si la personne la brise en s'y opposant, elle aura alors mérité le nom de bravoure. Non. La passion, vers quoi elle te fait pencher? Vers ce que l'âme veut et Satan veut. Il y a trois choses qui sont destructrices. On a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par un groupe de compagnons et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est quoi ces trois choses destructrices? Une passion suivie, c'est pour ça qu'on a rapporté ce hadith-ci, parce qu'on parle de la passion. Quoi d'autre? Une avarice obéit. Quoi d'autre? Qu'un individu soit infatué ou imbu de sa personne. Naam, c'est juste. Qu'il soit imbu de sa personne. Comment on va dire ça? Qu'il soit prétentieux, qu'il soit imbu de lui-même. Qu'il soit imbu, infatué, qu'il soit prétentieux. Tu vois, tu as infatué ta propre personne. Un but, c'est un mot comme connu, ça, non? À la kulihal, troisième ennemi, l'adou thalith, al-shaytan al-rajim. Hawa akhtaru alayka ya muslim, wa a'damuha dararan bik, wa fatkan bik, wa ma minna min ahadin illa wa qad sullita alayhi al-shaytan. Wa hada al-shaytanu min al-jinn. هو كافر يريد أن نكفر حتى نكون معه من أصحاب السعير. روى الإمام مسلم وأحمد واللفظ له من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة رضي الله عنه جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله، يعني هل معك جني؟ هل معك شيطان؟ قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمروني إلا بخير. فشياطيننا كفره يأمروننا بكل شر ويدعوننا إلى كل كفر عيادا بالله من ذلك. Le troisième ennemi, c'est donc Satan, le lapidé, al-shaytan al-rajim. Il est le plus dangereux de tes ennemis, ô musulman. Donc on a dit qu'il y avait quatre en particulier, mais plus encore de manière spécifique, qui al-shaytan. Et le plus néfaste pour toi de tes ennemis et le plus ravageur pour toi. Il n'y en a pas par un parmi nous qui n'est dominé par Satan. Et ce Satan fait partie des djinns, et il est mécréant. Et il veut que nous soyons mécréants, afin que nous soyons avec lui parmi les gens de l'enfer. L'imam Muslim a rapporté dans son authentique numéro 2814, et Ahmed dans son Musnad, volume 1, page 401, et la formulation est la sienne d'après Ibn Mas'ud et d'après Aïcha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'est sans qu'il lui ait été donné un qarin, que nous on va traduire par camarade. Parmi les djinns, et un qarin, un camarade parmi les anges. Ils dirent: et toi aussi, au messager d'Allah? C'est-à-dire, y a-t-il un djinn avec toi? Y a-t-il un démon avec toi? Il dit: même moi, mais Allah m'a aidé à son sujet et en a fait un musulman. Il ne m'ordonne donc que le bien. Cheikh, il dit, nos démons sont donc des mécréants qui nous ordonnent toutes les mauvaises choses et nous appellent à la mécréance, et nous cherchons refuge en Allah contre cela. Et puis il dit, Cheikh, Amma Rasuluna alayhi salatu wassalam, faqad nasarahu Allah ala shaytanih, hatta aslama shaytanuh, wa sara yu'inu ala al-khayr. Wa amma ummatuhu wa atba'uhu, fala tazalu shayatinuhum musallatatan alayhim. Wa dal adu, ja'ala Allah laka muqawiman lah, wa huwa mada malakun min al-malaika, kama ja'a fil hadith, illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-malaika, wa qarinuhu min al-jinn. Tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a rendu victorieux sur son démon, jusqu'à ce qu'il devienne musulman et l'aide au bien. Tandis que sa communauté et ses suiveurs, leurs démons n'ont de cesse d'être envoyés contre eux. Quant à cet ennemi qui est Shaitan, le démon, Allah t'a donné un résistant qui le combat. Et c'est un ange parmi les anges, comme cela a été rapporté dans le hadith, sans qu'il lui ait donné un qarin, un camarade parmi les djinns, et un qarin, camarade parmi les anges. C'est le hadith qu'on a cité un peu précédemment. Quant à ton qarin parmi les anges, écoutez ce hadith, ou plutôt, on va rapporter un hadith, inshallah, et c'est un hadith que j'ai lu à Cheikh Falah qui nous a expliqué, c'est un magnifique hadith. Amma qarinuka min al-malaika, fayamuruka bil khair, wa i'adun bil khair. Wa amma qarinuka min al-jinn, fayamuruka bil shar, wa i'adun bil shar. Kama ja'a an ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, annahu qal, inna lil malaki lammatan. Alors, pour traduire le mot lamma, on a un petit peu travaillé dessus, mais alhamdulillah, en lisant le hadith sur Cheikh Falah, ça a été beaucoup plus facile. Le shaitan il lamma. Et je vais vous rapporter ici l'explication de Cheikh Mohsen Al-Abbad de ce hadith, inshallah. Falammatul malak i'adun bil khayr wa tasdiqun bil haqq. Wa lammatul shaitan i'adun bil shar wa takdhibun bil haqq. Wa le hadith rawahu Abd al-Razzaq fi al-tafsir wa Ibn Jarir fi al-tafsir wa lafdu lah. Wa sanadu sahih mawqufan 'ala Ibn Mas'ud. وله حكم الرفع وقد رواه مرفوعا الترمذي في جامعه وأبو يعلى وابن حبان ولكن ضعيف لأن الذي رفعه عطاء بن السائب مختلط والراوي عنه أبو الأحوص وقد روى عنه بعد الاختلاط. Qu'est-ce que le cheikh il nous dit ici? Il dit, quand tu as ton qarin parmi les anges, il t'ordonne le bien et est une promesse de bien. Tandis que ton qarin parmi les djinns, il t'ordonne le mal et est une promesse de mal. Comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui dit, l'ange a certes une incitation. Il incite et ordonne au fils d'Adam et le démon a certes une incitation. Il incite et ordonne au fils d'Adam. Alors ici, pour les frères qui veulent avoir plus de détails, voir l'explication de Sunan al-Tirmidhi, de Charles Marcel Abbad, qu'elle le préserve, cassette numéro 323. Où il dit d'ailleurs à ce propos, vous voyez cette incitation de l'ange, vous vous situez ou pas? Il y a combien d'incitations ici, si vous comptez bien? Si vous ne savez pas répondre, ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi. Il y a vos corps sont là, mais vos... Hein? Deux, l'incitation de qui? De l'ange, l'incitation du démon. Charles Marcel Abbad, il dit que l'incitation de l'ange, elle est appelée comment? Ilham, inspiration. Et c'est un bienfait et une miséricorde d'Allah. Celui qui trouve cela, qu'il remercie Allah Azza wa Jal. Le serviteur se doit alors de remercier son Seigneur. Quant à l'incitation du démon, elle est appelée comment? Waswasa, tentation. Et le serviteur se doit alors de chercher refuge en Allah contre cela. Là, maintenant, quelqu'un qui va se poser la question va se dire, oui, mais comment je sais quand c'est l'une ou quand c'est l'autre? Eh bien, ça, on va le voir dans un instant, inshallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé des clés à Akhifillah dans la sunna. Je répète le début du hadith qu'on continue à le traduire. L'ange a certes une incitation. Il incite et ordonne au fils d'Adam. Et le démon a certes une incitation. Il incite et ordonne au fils d'Adam. L'incitation, c'est une traduction que j'ai tirée du sharah, en fait, l'explication du hadith. L'incitation de l'ange est une promesse de bien et une confirmation de la vérité. Voilà, tu as déjà une clé ici. On va l'expliquer après, mais là, tu as déjà une clé. Et l'incitation du démon est une promesse de mal et une dénégation de la vérité. Voilà encore une autre clé. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous êtes là ou... Hein? Sinon, on arrête les cours le matin. Hein? Enfin, le matin, la classe, le matin, les... Hein? Il ne reste plus grand-chose du matin. J'ai lu ce hadith à notre noble cheikh Falah Ismail, le Mundakar, qu'Allah le préserve, qui l'a expliqué en disant, c'est-à-dire qu'il trouve toujours en lui-même. Il y a quelque chose en nous sans aucun doute. Il n'est pas possible qu'une personne soit un pur mal ou un pur bien. Et l'âme est tiraillée entre les deux. Mais le brave, encore une fois, vous vous souvenez de la bravoure, hein? Le brave est celui qui fait la distinction entre les deux appels. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfer est entouré de passions et que le paradis est entouré de choses contraignantes. Il est donc obligatoire de distinguer ce qui se trouve derrière ces choses contraignantes. Quelle est leur réalité? Quelles sont leurs conséquences? Et ces passions et ces belles choses, quelles sont leurs conséquences? Là, vous avez déjà une clé, c'est-à-dire que tu regardes quoi? Les conséquences de cette chose. Si tu as une incitation à faire quelque chose, tu regardes les conséquences pour voir quoi? Si c'est l'incitation de l'ange ou l'incitation du démon. S'il se limite à regarder jusqu'à la pointe de ses pieds, il y entrera dans les passions. C'est pour cela que nous devons faire la distinction en utilisant notre raison. Sans aucun doute. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a donné des clés de regarder les conséquences. Regarde sur quoi se base cette incitation. Cette inspiration de l'ange. Nous sommes perdus entre le mal et le bien, mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois analyser, tu analyses. Ton âme t'appelle. Il donne un exemple maintenant. Il dit, il y a des gens pauvres, on va les visiter, et on va leur donner quelque chose. Ça, c'est l'incitation de quoi? De l'ange. C'est l'inspiration de l'ange. Peut-être que tu te diras maintenant, oh, laisse-les travailler, pourquoi les aides-tu? Pourquoi il y a donc deux incitations différentes? Parfois, tu penses vraiment en toi, « Oh, mon frère, laisse-le travailler. Pourquoi est-il assis à tendre la main ?» Ça, c'est l'incitation de qui? Comment est-ce que tu sais? Bien sûr, elle contredit la vérité. Et toi, tu regardes les conséquences de cet acte-là, de cette incitation-là. Toi, tu te dois maintenant de regarder les conséquences si tu ne sais pas quoi faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a donné des clés. Il t'a dit que l'incitation de l'ange est une promesse de bien. Il, Il est vrai qu'il se peut que cela soit dans, qu'il se peut que cela soit dans l'au-delà, dans l'autre vie. C'est-à-dire que tu as une incitation et tu vois que c'est une promesse de bien, cette incitation. Donc tu vois qu'en fait, c'est quoi? Ça, c'est l'inspiration de l'ange. Mais il se peut que ce bien ne soit pas dans cette vie-là, il soit dans l'au-delà. Il se peut. Mais toi, tu sais que c'est un bien pour toi. Tu verras que cet appel de l'ange, si tu l'analyses et le compares, qu'il est conforme au texte du Coran de la Sunna, avec la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu regardes, tu verras certainement que tu n'as pas à regarder celui à qui tu donnes, mais espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est une bonne conséquence. Et ce même si celui à qui tu donnes ne le mérite pas. C'est donc cela l'incitation, l'inspiration de l'ange qui a une bonne conséquence. La calamité, c'est celui qui ne regarde pas les conséquences. La conséquence est donc un bien. Et si tu te regardes, tu sentiras que tu as aidé, que tu as aidé, et que celui que tu as aidé t'aimera un jour, et qu'il aimera t'être utile un jour, car la nature de l'âme est qu'elle aime ceux qui lui font du bien. Et ce que nous voulons, c'est que les gens nous aiment, comme cela. C'est le comble de ce que nous voulons, le cher dit. Voici donc la voie, tout est en conformité avec les textes de la religion. Vous avez compris pourquoi il a dit maintenant c'est une promesse de bien, et quoi une? Confirmation de la vérité. C'est-à-dire que quoi, quand tu as une incitation, tu regardes les conséquences. Hein? Si tu vois que la conséquence est un bien pour toi, que ce soit dans cette dunya, dans l'akhira ou les deux, hein? Tu sais que c'est une incitation, une inspiration de l'ange. Et tu vois que c'est quoi? C'est conforme à la vérité. Ça va avec la législation de l'islam. Ça va avec le Coran, la Sunna. C'est ça ta clé. C'est comme ça que tu vois. Tandis que l'incitation du démon, qu'on a appelé comment? Waswasa, tentation. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Il est vrai que c'est proche et embelli. Comme on a dit hier, Shaitan ne va pas venir. Hein? C'est quelqu'un qui est doué de raison, lui dire, tiens, ça c'est le faux, vas-y. Non, il y a un embellissement. Hein? Il y a une transformation de la vérité. Bien sûr, comme ça tu aimes et tu veux. Ah, hein? Et comme ça tu peux justifier à toi-même les choses et te trouver des excuses, comme on a dit hier. Il est vrai que ses proches y embellissent. Laisse-le travailler et s'occuper de lui-même. Toi, tu vois quelqu'un qui est pauvre et tu te dis quoi? Laisse-le travailler. Laisse-le travailler et qu'il s'occupe lui-même, de lui-même. Chérie, cela ressemble à une très belle parole. Et il se peut même que cela soit considéré comme la raison et comme la sagesse même. Ça? Mais tu verras que c'est en opposition complète au texte et que c'est un déni de ce qui est dans le Coran et la Sunna. Ce sont des clés car il se peut que l'individu soit trompé par ces choses embellies et proches. Et il se peut qu'il soit leurré par elles. Comme les groupes islamiques égarés, le cheikh il dit, aujourd'hui qui sont leurrés par des slogans. Hein? Comme vous voyez maintenant, beaucoup de groupes innovés et les slogans, beaucoup de jeunes, ils sont leurrés par ces slogans, c'est vrai ou pas? Hein? Vous avez des groupes maintenant, comme en Belgique, Sharia for Belgium. Hein? Et ici, vous avez Force al-Bid'a, hein, vous avez les cavaliers de la Bid'a ici, en France, hein, les cavaliers de la fierté, comme ils s'appellent eux, mais en vérité, c'est les cavaliers de la Bid'a. Hein. Ils sont là, hein, le drapeau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, al-Sharia, al-Tawhid, combattre le shirk. Non, combattre le shirk, bien sûr. Hein. Appeler au Tawhid, bien sûr. Et selon ta compréhension de qui? Ta compréhension à toi, que t'as jamais étudié? Aslan, à la base, man anta. Qui es-tu? Qui t'a recommandé parmi les gens de science? Chez qui tu as étudié? Qui a jugé authentique et correcte ta compréhension de la religion parmi les gens de science? Hein? Qui sont tes ulama? Al-Maqdisi, c'est pas un alim, ça c'est un takfiri notoire. Il est en prison. C'est leur référence, il faut savoir ça. Hein? Quand vous voyez certaines, allez pas les voir, hein, il n'y a rien à apprendre, mais, hein, mais quand vous voyez certaines vidéos de Forsan Bid'a et de Sharia for Belgium, ils sont ensemble dans des vidéos. Hein? Vous avez Abou Imran là, de Belgique et vous avez, j'ai oublié son nom, Forsan Bid'a ici. Hein? Ils sont ensemble. Je n'ai pas venu avec moi, mais quand j'étais en Belgique, j'ai fait une conférence. Ce que vous avez de quoi, les événements qui s'étaient passés il n'y a pas longtemps en Belgique, hein? Hein? Non? Ah, ces gens-là, ils ont fait des manifestations pour une soeur qui s'est fait arrêter avec niqab, ils sont battus contre les policiers. Il y en a même un de France qui est venu de chez vous et qui a poignardé deux policiers en Belgique, vous savez ça? Une des deux policières, c'est une musulmane. Hein? Ah oui, il a poignardé en criant Allahu Akbar, etc. Imaginez ça, vous êtes pas au courant? Hein? Ah oui, il y a quoi, maximum 2 semaines. Hein? Et ils font des manifestations dans la rue, des drapeaux, ils se battent contre les policiers. C'est ça l'islam? Les ulama ils disent fatwa de hay'at kibar ulama, et je connais aucun alim de la sunna, j'ai dit de la sunna, qui dit que les manifestations c'est partie de l'islam. Ils considèrent ça parmi le bid'a, parmi les innovations religieuses. Sharia elle est où maintenant? Hein? Sharia elle est dans les moyens aussi. Il y a peut-être des gens qui disent pourquoi tu fais riba? En fait, ça c'est une mise en garde ça. Une mise en garde, c'est obligatoire. Le prophète, ça, il n'a pas mis en garde contre le Dajjal. Le Dajjal, il est là. Vous l'avez vu, il est là avec vous, avec le réussi. Hein? Hein? Pourtant, le prophète, ça, vous avez vu comment il a mis en garde sur le Dajjal. À tel point que les sahabas, ils ont pensé quoi? Qu'il était avec eux, il fait nakhl, qu'il était avec Amédine. Le prophète, ça, il a mis en garde sur le Khawarij. Il a mis en garde sur le Qadariya, le Murji'a. Hadith, hein, après, il disait, Cheikh Al-Albani, c'est un mourji. Cheikh Al-Albani, rahmatullah, Ali, dans ce hadith, il a dit, c'est une femme, une ummati. Hein, et puis, il a cité le Qadariya et le mourji. Il a mis en garde sur deux fi'a. Qadariya et le mourji, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On est obligé. Ça fait partie de Amr bin Ma'ruf, et ça, c'est partie de Sharia. Mettre en garde sur les gens innovés. Et les gens qui sont dans les groupes innovés et les innovateurs, les gens égarés. Hein? Bien, j'avais amené un livre en anglais qui a été écrit par des frères de notre mosquée là en Angleterre. Et dans ce livre, il analyse les groupes extrémistes chez nous en Angleterre. D'accord, vous connaissez un peu les groupes là-bas en Angleterre ou pas? Hein? Je vais vous prouver que vous connaissez quelque part ces groupes-là. Hein? Il y a un groupe qui est en Angleterre qui s'appelle Sharia for UK. Vous avez entendu parler? Ils ont eu beaucoup de noms, ils sont appelés un jour le Ghouraba, ils sont appelés, hein, je ne sais pas quoi, ils sont appelés. Hein, à la base, c'est Hizb Tahrir, ça, ikhwa. Hizb Tahrir, il a été fondé par qui? Par un Nabhani, qui faisait partie des Ikhwan Muslimin et qui trouvait qu'à un moment donné, leur approche, elle était trop molle, elle était trop, hein, et qu'il fallait y aller. Hein, qu'il fallait y aller yani, hein. C'est pour ça, Hizb Tahrir, dans beaucoup de pays musulmans, ils appellent leur but, c'est le califat. C'est ce que dit Fursal Bid'a ici, on appelle au califat. Hmm? C'est-à-dire le but, la base, c'est le califat. C'est ça qu'il faut instaurer d'abord, avant toute chose. Nous, on leur pose la question, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les mouchriquins, ils lui ont proposé le mulk, il a accepté? Il n'a pas accepté. Ils lui ont proposé la royauté. Il aurait pu accepter la royauté, puis appliquer sharia et tout serait un? Non, il n'a pas accepté. Pourquoi? Ce qui prouve qu'il y a une méthodologie dans la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hmm? C'est un groupe qui appelle aux rébellions et aux révolutions dans les pays arabes. Ça s'appelle Hizb Tahrir, il faut savoir ça. Ils ont des tamas dans l'aqida. Ils ne prennent pas, par exemple, Khabar al-Ahad dans l'aqida. Ils ne croient pas donc en Adab al-Qabr. Ils ne croient pas au châtiment de la tombe. Après, ils vont dire non, on y croit, etc. Mais après, ta base, ton groupe, c'est Hizb Tahrir. Hein? Même si ça a changé de nom avec le temps, chez vous, mais c'est toujours c'est ça la base. C'est le même appel que vous avez. D'accord? C'est un homme qui s'appelle Anjem Choudhury. Vous voyez souvent à la télévision. Hein? C'est lui qui dit qu'à la place du palace de la reine, etc., ils vont faire hein, une mosquée. Et puis, là, toutes les statues vont les casser. Et puis, ils vont mettre une mosquée là, à cet endroit-là. Il fait des plans, etc. Regardez comment il parle au Koufa. Hein? Et qu'on va appliquer Sharia. Vous n'êtes pas content d'aller au pôle Nord? Hein? C'est ça, da'wa. C'est ça, Wajadilum Milati Ahsan. C'est ça. Regardez l'image qu'ils donnent aux musulmans. L'Ihya, hein? Ruzza, hein? Le grand turban, l'Ihya. Hein? Évidemment, hein? Le visage comme ça. Hein? Hein? Koufar, vous êtes des koufars, vous allez en enfer. C'est ça, da'wa. Moi, je vous pose la question, si quelqu'un est d'accord avec ça, qu'il le dise. Hein? Eh bien, ce groupe-là, Anjem Choudhury, c'est le chef là-bas en Angleterre, il a fait ce groupe-là, ils ont fait des conférences. Alors écoutez bien. Salaf, il disait, l'imam Aouzaï, rahimahullah, l'a dit, Man satara alina bid'atah, lam takhfa alina ulfatuh. Celui qui nous cache sa bid'a, il ne cachera pas ses fréquentations. Alors qu'en est-il si tu montres ta bid'a à la télévision devant tout le monde? Tu veux savoir quelqu'un qui il est, regarde avec qui il marche. Regarde ses références, regarde ses fréquentations. Eh bien, un Jim Chaudhry, hein, à l'époque il avait la barbe taillée, tu le vois à Londres, dans des manifestations, tu le vois, ils font ce qu'on appelle un stage en anglais, c'est-à-dire comme un endroit où tu parles, comme ça, un endroit, un podium. Hein, et qui à côté de lui, Omar al-Bakri. Tu connais Omar al-Bakri? Un grand tekfiri notoire, hein, qui était expulsé d'ailleurs, il est retourné dans ce pays au Liban. Il a plus la révolution là-bas maintenant, etc. Et il y en a un autre que vous connaissez certainement qui a un crochet, Abou Hamza. Vous connaissez ou pas? Hein? Ah, lui, le Marouf. Hein? C'est un salafi, c'est quelqu'un des gens de la Sunna. C'est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un qui a étudié, qui s'est assis chez les gens de science, qui s'est fatigué chez les gens de science. De la Sunna? Walou, rien. Ben, ces gens-là, hein? Ils sont à trois, en train de discuter, en train de donner un discours. Plus encore, qui est d'accord ici avec les attentats du 11 septembre? Personne, alhamdoulilah. D'accord? Hein? Non, mais on sait jamais, subhanallah, hein? Comme ça, on peut traiter hein, le dossier directement, qu'on sache. Hein? Eh bien, ils ont fait une conférence. Hein, subhanallah, je n'ai pas pensé à prendre avec moi le livre. Mais inchallah, si je vous enverrai une copie, ça va? Je vous promets que je vous envoie une copie. Ça va ici? Et vous la gardez ici pour les frères. Comme ça, vous voyez que ce que je dis, c'est vrai. D'accord? Donc les frères, j'enverrai peut-être à Yassine ou Daoud, aux autres frères, etc. Hein, et à Nabil, etc. J'enverrai, Inch'Allah, une copie et vous le garderez ici, Inch'Allah. Vous pouvez le commander de toute façon chez nous à la Maktaba Salafia de Birmingham. Eh bien, vous voyez une affiche qui s'appelle Les 19 magnifiques. Avec derrière les tours qui sont embrasées de flammes et une photo comme ça à l'arrière de Ben Laden. C'est qui les 19 magnifiques? C'est les 19 qui ont été accusés des attentats du 11 septembre. Hein? Ouais, moi je vous dis qu'est-ce que eux disent. Hein? Moi je vous dis qu'est-ce que eux disent. D'accord? Maintenant, Ben Laden, est-ce qu'il fait partie des références des gens de l'islam? Est-ce que Ben Laden a étudié chez les ulama? Est-ce qu'il a étudié Sharia al-Islamiyya? Est-ce qu'il est connu pour l'ilm shara'i? Cheikh Falah nous a dit tourner à Médine avec son 4x4, c'est un ingénieur là-bas, c'est quelqu'un qui est dans le dunya. Il n'était pas connu pour Talab. C'est vrai qu'il pratiquait. Mais il n'est pas connu pour Talab, il n'est pas connu pour s'être assis chez le Machir. Voilà leur référence. Vous connaissez les fatwas de Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh, les fatwas de Cheikh Al-Uthaymeen, hein? Parmi tous les autres savants qui ont mis en garde sur Ben Laden, et son fikr, et son idéologie, etc., et son groupe. Certains des gens qui sont dans ce groupe-là en Angleterre, ils considèrent l'Arabie Saoudite comme un pays de kuffar et de taghout. Bilad Tawhid, ya ikhwa. Le seul pays où il n'y a pas un mausolée qui a un qu'adorant d'Allah Azza wa Jalla, lui, il considère comme Bilad Taghout. Je vous dis encore autre chose. Anjem Choudhury, il a dit que les attentats de Londres qu'il y a eu en 2000. C'est en 2005, 2006, j'ai un trou de mémoire là. Hein? Mais il a dit quoi? Il a dit que, en fait, le peuple britannique, il s'est amené à lui-même ce qu'il mérite, en résumé, ce qu'il mérite, quoi. C'est-à-dire que les gens qui partaient le matin avec leur tartine dans leur sac pour aller au travail, hein, qui étaient dans le métro de Londres, eux, qu'est-ce qu'ils méritent? Ils méritent ça, qu'ils se fassent exploser dans un métro. Hein? Et la maman mesquina qui amène son enfant à l'école. Et peut-être les musulmans qui étaient là aussi dans le métro. Hein? C'est ça l'islam. Je vous pose la question, c'est ça l'islam? Moi, ce que je sais, c'est pas ça l'islam. C'est ça le jihad. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Et que les sahaba, ils étaient? La abadan. Alors maintenant, la question, est-ce qu'il y a un bien dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ne faisait pas? Ou que les sahaba ne faisaient pas? Il faire attention à ce genre de groupe-là. Maintenant, si vous n'allez pas, parce que c'est rien, ces gens-là ne sont pas connus pour l'ilm, donc vous n'avez même aucune base pour discuter avec ces gens-là, hein, ben, ces gens-là, ils croient vraiment, hein, c'est embelli, hein, c'est l'haq. Et toi, t'es toi l'égaré. Nous, on leur dit, comme l'Abdel Ma'abbas, il a dit au Khawarij, il a dit, est-ce qu'il y en a un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vous? Nous, on leur dit, est-ce qu'il y en a un des ulama de la sunna parmi vous? Est-ce que vous avez un alim avec vous? Un, juste un. Ne me dis pas le Maqdisi, ne me dis pas Ben Laden, ne me dis pas Zawahiri, ne me dis pas ces gens-là. Ça, ce n'est pas des ulama de la sunna, ça. Ce n'est pas des ulama aslan. Un, est-ce que tu en as un? Est-ce que Cheikh Rabi'i est avec toi? Est-ce que Cheikh Obedi est avec toi? Est-ce que Cheikh Al-Fawzan est avec toi? Est-ce que Cheikh Al-Haydan est avec toi? Est-ce que le Moufti d'Arabie Saoudite, Abdel Azali, Cheikh, est avec toi? Est-ce que Cheikh Al-Fawzan est avec toi? Cheikh Al-Fawzan, toute sa vie, l'ancien livre de Tawhid, il écrit des livres dans Tawhid. Il a un gros volume dans Sharh Kitab Tawhid, Cheikh Mohamed Al-Wahhab. Et vous connaissez, hein, Cheikh Al-Fawzan dans Tawhid. Hein? Et je viens dire que, et lui dit que Bilad Tawhid, Bilad Saoudia, c'est un Bilad Tawhid. Tu viens dire que c'est un Bilad Mushrikin. Regardez le fikr, l'inhiraf, la déviation dans la méthodologie, dans la croyance. Regardez comment il parle et comment il provoque les koufars. C'est ça la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais je pose la question, c'est ça la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il faut faire attention, mais ça j'ai cité ça comme quoi? Comme exemple. Et il y en a de nombreux exemples. Maintenant, beaucoup de jeunes se font voir par ce drapeau qui porte cette noble parole « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Hein? Les deux shahadas, le premier pilier de l'islam. « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Non, mais lakin, qu'est-ce qui implique de Muhammad Rasulullah? C'est le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah azul soit adoré de manière exclusive que parce que, hein, Allah azul a légiféré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé dans la sunna. Donc, cher, je répète cette parole parce qu'elle est importante. Il dit comme les groupes islamiques égarés aujourd'hui qui sont leurrés par des slogans. Donc, ça, c'est un appel. Il faut faire attention. Et moi, je vous le dis, les frères, hein, surtout pour les jeunes qui commencent à pratiquer et les gens qui viennent se convertir à l'islam, il faut que vous les mettiez en garde directement sur les groupes innovés. Hein? Il faut leur dire voilà, attention, c'est pas tout le monde qui a une compréhension correcte de l'islam, etc. Voilà les références de l'islam, voilà les ulama de l'islam, etc. Apprends ta religion, apprends l'arabe, apprends le Coran, apprends ce que tu as besoin de ta religion, le Coran, l'aqida, hein, le fiqh, ce que tu as besoin pour ta jurisprudence, pour prier, pour faire le wudu, etc. Kada. Hein? Apprends, voilà les ulama, voilà les livres, etc. Et tu donnes une méthodologie pour apprendre, etc. Alhamdoulilah qu'ils puissent prendre des sources sûres. Parce qu'il y en a, ils se font avoir pour ce genre de slogan-là. Beaucoup. Ils disaient, ah, il y a une sœur en niqab, elle s'est fait arrêter par des policiers, elle s'est fait maltraiter. Tous les jeunes, ils ont la jalousie. Hein? Ah, ok, non. Hein? Voilà, il faut. Jihad, ça rentre dans le jihad et puis se mettre en file, en manifestation. Où est le jihad? Où? Allah al-Mustan. On continue le cours. On s'est dit, quoique la parole de Cheikh Falah Ismail ici, elle est finie par rapport au hadith. Et ce hadith, il a été rapporté par Abdur Razzaq dans l'exégèse volume 1, page 118, et Ibn Jarir dans l'exégèse volume 5, page 573, et la formation est la sienne. Et sa chaîne de transmission, elle s'arrête à Ibn Mas'ud, mais à le jugement comme si cela venait du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Marfou', par At-Tirmidhi, dans son Jami', numéro 2988, et Abu Ya'la, numéro 4999, et Ibn Hibban, mais est faible, car celui qui a élevé la chaîne de transmission jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est Ata' ibn Sa'ib, Ibn Sa'ib qui se trompait, et celui qui a rapporté de lui est Abu al-Ahwas qui a rapporté de lui après qu'il commence à se tromper. Maintenant, on continue la parole de Cheikh Mohammed l'Imam. Il dit Faya Abdullah, anta bihajatin illa an yakuna al-malaku ma'ak, min ajli an yansurak Allah ala shaitan al-rajim. Wa shaitan al-rajim, mada yaf'alu bina in nahnu jahilna adawata, wa istaslamna lah. قال ربنا في كتابه الكريم مبينا أن الشيطان يوم القيامة يظهر شيطانته على حقيقتها أما في الدنيا فإنه لا يظهرها وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Il était donc nécessaire, ô serviteur d'Allah, que l'ange soit avec toi afin qu'Allah te rende victorieux contre Satan le lapidé. Et que nous ferait donc le Satan lapider si nous venions à ignorer son inimitié. Et si nous venions à capituler devant lui. Allah dit dans son noble livre, mettant en évidence que Satan montre sa diablerie sous son vrai jour, le jour du jugement dernier. Tandis que dans ce bas monde, il ne la montre pas. Ce dont la traduction du sens est, et quand tout sera accompli, regardez Shaitan comment il est, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Sourate Ibrahim, verset 22. Cheikh, il dit, هذه وظيفة الشيطان يدعوك ولا يتركك على أي حال يدعوك إلى ما يريد هو فإن عرفت أنك مدعون بدعوة الله وهذه دعوة خير لك ومدعون بدعوة الشيطان وهذه شر عليك فاجتنبت دعوة الشيطان وأقبلت على دعوة الرحمن فقد هديت إلى صراط مستقيم فهذا العدو عن الشيطان يوم القيامة يظهر حقيقة ما قام به حتى أفسد الأجيال وأفسد الأمم وتسبب في هلاك العوالم من البشر ومن الجن قال ربنا عنه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فانتبه يا مسلم أن تخرج عن ما جاء به القرآن والسنة فذاك هو الحق ثم قال الله عز وجل مخبرا عن الشيطان ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أي ما عندي جنة ولا نار ولا عز ولا رفعة ولا رزق ولا عافية ولا مرض ولا شيء فالشيطان ما بيده إلا الوساوس والتزيين للشرور والإعاد بالشر عيادا بالله ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن الشيطان قوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم بمعنى أين كانت عقولكم كيف تركتم ربكم وقرآنكم ورسولكم الكريم ورسولكم عليه الصلاة والسلام وقبلتم على طاعتي وعبادتي والله قد حذرنا الله والله قد حذرنا الله من ذلك قال في كتاب الكريم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ceci est donc le travail de Satan. Il t'appelle et ne te laisse jamais. Il t'appelle à ce que lui veut. Imaginez cet ennemi qui ne te lâche jamais. Il ne te lâche jamais. Du premier moment de ta vie jusqu'au dernier moment de ta vie. Et on va voir qu'au moment où tu meurs, il est là. Il essaie de prendre quelque chose de toi. Au moment où tu meurs, dans l'agonie, il est là. Comme on va le voir, il y a une doua à faire à ce moment-là. Ou en tout cas, plutôt pour ce moment-là. Il t'appelle à ce que lui veut. Donc, si tu sais que tu es appelé de l'appel d'Allah, et que cet appel est un bien pour toi, et que tu es appelé par Shaitan, et que cet appel est un mal pour toi, et que donc tu t'écartes de l'appel de Satan, et que tu te diriges vers l'appel du Tout Miséricordieux, Ar-Rahman, tu seras alors guidé vers un droit chemin. Cet ennemi, c'est-à-dire Satan, montrera le jour du jugement dernier ce qu'il a vraiment fait au point qu'il a perverti les générations et a perverti les communautés et aurait été la cause de la destruction du monde des êtres humains et du monde des djinns. Allah dit à son sujet, ce dont la traduction du sens est, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah, vous avez fait une promesse de vérité. Sourate Ibrahim, verset 22. Prends donc garde aux musulmans. Ça, c'est une mise en garde. Prendons garde aux musulmans à sortir de ce avec quoi le Coran et la Sunna sont venus, car cela est la vérité. Puis Allah dit ensuite, informant au sujet de Satan, ce dont la traduction du sens est, « Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue, je n'avais aucune autorité sur vous. » C'est-à-dire, je n'ai ni paradis, ni enfer, ni puissance, ni position élevée, ni subsistance, ni protection, ni maladie, ni aucune autre chose. Le Satan ne possède que des chuchotements, des wasawis, des tentations. Et l'embellissement des mauvaises choses et la promesse du mal, comme on l'a déjà vu dans le hadith. Et nous recherchons refuge en Allah contre cela. Puis Allah dit informant au sujet de Satan, ce dont la traduction du sens est, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Regardez Shaitan comment il est. Sourate Ibrahim, verset 22. C'est-à-dire, où étaient donc vos raisons? Comment avez-vous pu délaisser votre Seigneur et votre Coran et votre messager, sallallahu alayhi wa sallam, et avez-vous pu vous appliquer à m'obéir et à m'adorer? C'est Shaitan, ça. Puis Shaitan dit par Allah, il jure par Allah, il dit Allah nous a mis en garde contre cela. Allah dit dans son noble livre, ce dont la traduction du sens est, ne vous ai-je pas engagé, ô enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable? car il est vraiment pour vous un adou moubin, un ennemi déclaré. Mais si toi, maintenant, tu ne lis pas le Coran, tu ne connais pas le Coran, tu ne t'attaches pas à connaître le Coran, tu ne t'attaches pas à connaître la sunna, yalla la sunna, comment tu veux connaître tes ennemis? Comment tu veux te protéger? Surat Yassine, verset 60. Bichir, il dit... يا ايها الاخوه ايها الاخوه هذا العدو عن الشيطان يحاول ان يصدك عن كل خير وان يحول بينك وبين كل خير ولو كان الخير اسهل عمل فهو يريد ان يحرمك منه وان يبعدك عنه قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس اعلم ان الادمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوه ونفس ايه من لما تغمن لا باول من ان شاء الله ليشتلب بذلك ما ينفعه ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب وخلق الشيطان محرضا على الإسراف في اجتلابه واجتنابه فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه السلام وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم أو فخير ستنمي. C'est-à-dire qui ? Satan. Essaye de te détourner de tout bien. Et de se mettre entre toi et tout bien. Et ce même si ce bien est la plus facile des actions. Car il veut t'en priver et t'en éloigner. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a dit dans Telbis Iblis, page 39. Sache que l'être humain, lorsqu'il a été créé, vous vous souvenez de cette parole hier ou pas ? Souvenez-vous ou pas? Hein? Sache que l'être humain, lorsqu'il a été créé, a été installé en lui la passion et le désir. On a dit pourquoi hier? Hein? Presque, mais... Voilà, c'est ça. Pour qu'il obtienne ce qui lui est bénéfique. Il a dit, sache que l'être humain, lorsqu'il a été créé, a été installé en lui la passion et le désir, afin qu'il se procure par cela ce qui lui est bénéfique. Et il a été placé la colère afin qu'il repousse par cela ce qui lui est nuisible, ce qui le nuit. Il lui a été donné la raison en guise d'éducateur, qui lui ordonne d'être juste dans ce qu'il se procure et dans ce dont il s'écarte. Et maintenant, on va continuer cette parole, parce qu'hier on s'est arrêté là. Et Satan a été créé l'incitant à l'excès dans ce qu'il se procure et dans ce dont il se tient à l'écart. Vous avez suivi là? L'être humain maintenant, quand il était créé, qu'est-ce qui a été placé? La passion et le désir. Pourquoi? Pour qu'il puisse obtenir ce qui lui est bénéfique. On est d'accord, hein? Qu'est-ce qui a été placé également? La colère. Pourquoi? Pour qu'il se tienne à l'écart et repousser ce qui lui est nuisible. La raison lui a été donnée pourquoi? En guise de... éducateur, pourquoi qu'il soit juste dans ce qu'il veut obtenir de bénéfique et ce dont il cherche à s'écarter. Et Shaitan a été créé l'incitant à quoi? À l'excès dans ce qu'il se procure et dans ce dont il se tient à l'écart. Vous avez le contexte maintenant? Non. Bien sûr. Hein, t'inquiète pas, de toute façon sur notre site, tu peux trouver tout le cours, il est en PDF. Mais note quand même. Hein. Sache que l'être humain, lorsqu'il a été créé, a été installé en lui, quoi on a dit, la passion et le désir. Afin qu'il se procure par cela ce qui lui est bénéfique. Ça, on est d'accord. Et a été placé, on a dit quoi? La colère. Afin qu'il repousse par cela ce qui lui nuit. Et lui a été donné la raison en guise d'éducateur. Qui lui ordonne d'être juste dans ce qu'il se procure et dans ce dont il s'écarte. Ou si vous voulez, et dans ce dont il se tient à l'écart. Puis il termine cette parole en disant, Imam Ibn Jawzi rahimahullah, ce qui est donc obligatoire à celui qui est doué de raison, mais c'est d'être sur ses gardes quant à cet ennemi qui manifeste son inimitié depuis le temps d'Adam alayhi salam et qui consacre son temps et sa personne, sa vie, son temps, afin de pervertir les situations des fils d'Adam. Est-ce que tu as vu un ennemi comme celui-là? Fin de citation. Le cheikh, il dit, Ya muslim, ala taqra, qawla Allah ta'ala, mukhbiran an shaytan, la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim, thumma la atiyannahum, min bayni aydihim, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an shama'ilihim, wa la tajidu aktharahum shakirin. معنى أقعد ألازم البقاء والتواجد. وقد فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقد روى الإمام أحمد والنسائي عن سبره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان écoutez cette belle hein peut-être que certains frères convertis vont peut-être nous faire part de leur expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu quand ils ont voulu se convertir. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. وأطرق جمع طريق ويجمع على طرق وأطرق و... فقعد له بطريق الإسلام كما قال الشيخ الإثيوبي في شرح سنن النسائي، فقال له تسلم ها تسلم وتذر دينك ودين أبائك وأباء أبيك. قال فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول أي في الحبل. قال فعصاه، ما بيشبيكي كستفجر إن شاء الله، فعصاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهد النفس نفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قصته دبته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Ô musulmans, ne lis-tu pas la parole d'Allah le Très-Haut, informant au sujet de Satan, ce dont la traduction du sens est « Je m'assoirai » en arabe « l'aq'ud ». On va voir ce que ça veut dire. « Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai » Comment ils t'attaquent, Shaitan ?« De devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. » Tu avais un ennemi comme ça ? Il essaie de tous les côtés, t'attaque, sans répit. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate Al-A'raf, verset 16. Et chérie, regardez ce qu'il a dit au début de sa phrase. C'est ce que je disais moi avant. Ne lis-tu pas aux musulmans Coran, ya ikhwa, le Coran, kalamullah azza wa jal. C'est le livre qui doit être toujours avec toi. Hein? C'est le livre, la parole d'Allah. Hein? Est-ce qu'on aime vraiment le Coran comme il doit être aimé? N'oublie pas, c'est la parole de Rabbul Alamin. Hein? Essaye de mémoriser. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse ici que nous soyons tous parmi les mémorisateurs du Coran. Et quand je dis mémorisateurs du Coran, le Hafal Coran, c'est ceux qui ont mémorisé le texte, qui donnent ses droits à ses lettres en le récitant correctement, qui le comprennent et le mettent en application. Allahumma amin. Et qu'il fasse que nous soyons parmi les gens dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Ahlullah wa khassatuh. Al-Quran, Ahlullah wa khassatuh. Les gens d'Allah et khassatuh, c'est quoi c'est hein? Si vous voulez, c'est intime, yani c'est un hein? Khassa. Les rapprocher. Allahu Akbar. Le cheikh Falah Ismail nous a dit que quand il était étudiant à l'université de Médine, Cheikh Ben Baz était directeur de l'université de Médine, rahmatullah alayhi. Et Cheikh Falah fait partie des élèves de Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayhi. Et Cheikh, il a dit que quand on avait une demande, on allait au bureau, on demandait, il y a quelqu'un qui s'occupe du bureau de Cheikh Ben Baz, et avant de rentrer chez Cheikh Ben Baz, il doit aller dans le bureau, et il y a une salle d'attente. Tous les gens, chacun il a ses demandes, chacun qu'est-ce qu'il a comme problème, chacun, etc. Et tu dois prendre la file. Alors Cheikh Falah Ismail, hein, il était en coulée de charia, si je me souviens bien, il faisait partie de Toulab, on s'entend que Cheikh Falah, Cheikh Ben Baz le connaissait personnellement. Malgré ça, il prenait la file comme tout le monde. Et puis, il voyait des frères de Koulet de Coran qui passaient et rentraient directement dans le bureau de Cheikh Ben Baz. Cheikh Falah, il a dit, hein, le kef. Hein? Il a dit, ça, c'est les gens du Coran, ça. Et Cheikh Ben Baz, il a dit, ceux-là, ils ne font pas la file. Ils viennent directement, ils demandent Talab, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Et ils ont le double de la bourse que les autres Toulab dans les autres facultés. إكراما لأهل القرآن ها شيخ فلاح دوب لا بورس يلفو با لا فيل Parce que pour rentrer dans le collège du Coran, tu dois hafid déjà, première année, quand tu rentres, tu dois déjà hafid, c'est la condition. Donc le sens de je m'assoirai, dans la parole, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Je m'assoirai, c'est-à-dire je serai assidu dans le fait de rester, d'être présent. Pourquoi je dis ça? C'est pour nous motiver pour le Coran, les frères. Il faut motiver pour le Coran et pour la Sunna. Hein? C'est important le Coran. Et nous, on veut des frères salafis qui mémorisent le Coran. Et vous connaissez, un des caractéristiques des gens de la Sunna, c'est le rattachement à la science. Comme Cheikh Zayed ibn Hadi al-Matrili, il a dit dans un cours, « Min khasa isil firqa najiyah, hirsuhum ala jam'i l'ilm shar'i. » Parmi les spécificités du groupe victorieux, du groupe sauvé, dont le prophète Sarzan a parlé, et bien sûr leur attachement, leur désir ardent à chercher et à regrouper la science islamique. Et c'est vrai, subhanallah. Partout où tu vois des gens de la sunna, sont attachés à quoi? Hein? Tu vois des masahib dans les voitures, tu vois des moutons, tu vois usul talata, tu vois l'arba, tu vois des livres dans l'aqidah, des livres dans le fiqh à étudier, etc. Hein? Toujours un petit sac, toujours un petit livre à côté. Ça, oh là là. Hein? Partout. Maintenant, en plus, dans les. Je ne vais pas faire la pub, mais dans les smartphones, là, tu as même. Tu as le mushaf entier que tu peux lire, etc. Partout où tu es. Donc, je m'assoirai, c'est-à-dire, je serai assidu dans le fait de rester et d'être présent. Et maintenant, écoutez cette belle parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, explique le verset. L'imam Ahmed, dans son Mousnad, volume 3, page 483, et An-Nasa'i, 3134, a rapporté d'après Sabra, qu'elle a agréé, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Satan s'est certes assis sur les chemins du fils d'Adam. Ça rejoint le verset ou pas? Hein? Je m'assoirai. Satan s'est certes assis sur les chemins du fils d'Adam. En arabe ici, Inna shaitan qa'ada l'ibni Adam. Il lui a dit, il s'est assis sur son chemin vers l'islam. Donc Satan s'est certes assis sur les chemins du fils d'Adam. Il s'est assis sur son chemin vers l'islam. Peut-être que les frères convertis peuvent en parler. Hein? Il s'est assis sur son chemin vers l'islam et lui a dit, vas-tu te convertir? Hein? Vas-tu te convertir et délaisser ta religion? Et la religion de tes pères et de tes aïeux? C'est chétan, ça. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il lui désobéit et il se convertit. Puis il s'assit sur son chemin vers l'immigration, vers la hijra, et lui dit, vas-tu émigrer et laisser la terre ta terre et ton ciel, hein, le ciel sous lequel tu vis? Et l'immigrant est comme le cheval tenu par l'entrave. Regardez chétan, quelle image il a donnée à celui qui veut faire la hijra. Il lui dit, tu vas être le cheval qui est tenu par son entrave. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Mais encore une fois, il faut revenir au ulama pour comprendre. Il faut revenir au juhal. Il faut revenir au ulama qui explique le Coran et la sunna. Je vous ai pris l'explication de Cheikh l'Éthiopie dans Sharh Sunan Nasa'i qui fait 42 volumes. Et c'est dans le volume 26, page 188. Vous connaissez Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie? Hein? Hein? Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie. Il y a plusieurs Cheikh éthiopiens, il y a Cheikh Bouéti, etc. Mais ce cheikh-là, c'est un muhaddith, il est à la Mecque, il est vivant. Hein? Il est à la Mecque, il a une mosquée d'ailleurs où il enseigne. Jusqu'à côté de sa mosquée, il y a une mektaba où vous pouvez trouver ses livres, etc. Il enseigne à Dar al-Hadith à Mecca aussi. Hein? Wallahi, ikhwa, pour les frères arabophones, alaykoum bi kutubih. Moi, je vous conseille vivement ses livres. Yani, subhanallah, yakfik Cheikh Mokbil dans son explication de Sharh Sunan Nasa'i, qui fait 42 volumes, que je vous ai dit, comme je vous ai dit, il l'a faite complète. Hein? Il a dit c'est un océan dans les sciences du hadith et de la langue arabe. Et c'est vrai. Yani, il ne laisse rien dans le hadith sans qu'il te l'explique. La chaîne de transmission, chaque homme, il t'explique qui c'est, il te donne une histoire, etc. Et après, il te donne les caractéristiques du sanad. Après, il te donne le vocabulaire du hadith. Chaque mot, il te le définit. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup dans les traductions, parce que chaque mot, il te le définit, il t'explique dans la langue arabe d'où ça vient, etc. Il rentre en détail. Et Cheikh, ici, justement, il explique ici qu'est-ce que ça veut dire, comme il a dit ici. C'est-à-dire comme le cheval tenu par l'entrave. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens de cela est que l'immigrant, celui qui fait la hijra, est tenu dans les pays étrangers et ne peut tourner que dans sa maison. Elle ne les fréquente que certains de ses connaissances. Il est donc tel le cheval tenu dans ses entraves, qui ne peut tourner ni paître que de manière limitée, contrairement à ceux qui vivent dans leur pays d'origine, car ils sont joyeux et n'ont aucune contrariété. Tu vas dans la hijra, tu ne connais pas nécessairement les gens. Tu es limité. Toi, si tu es dans ton pays, dans ta région, dans l'endroit où tu vis, hein? Tu connais tout le monde, tu connais, hein, où entrer, où sortir, tu connais les gens, etc. Tu sens cette liberté, tu te sens, hein? Tandis que dans les pays, quand tu fais la hijra, peut-être au début, etc., tu n'as pas cela. Donc tu te sens comme le cheval tenu dans son entrave. Regarde, Shaitan, comment il te. Hein? Il t'empêche de faire le bien. Il lui désobéit et émigra. Il dit, puis il s'assit sur son chemin vers le jihad et lui dit, et quand on parle de jihad, ce n'est pas le jihad de Khawarij, c'est le jihad de Shara'i. Vas-tu gaspiller ta personne et tes biens, combattre et être tué, et donc ta femme se remariera, et ce que tu possèdes sera partagé. Regardez encore une fois. Comment il empêche Shaitan. Il lui dit, il désobéit et combattit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, celui d'entre vous qui fait tout cela et meurt aura le droit qu'Allah le fasse entrer au paradis. Ou est tué aura le droit qu'Allah le fasse entrer au paradis. Ou se noie, même si tu meurs noyé, aura le droit qu'Allah le fasse entrer au paradis. Ou que sa monture lui brise le cou, aura le droit qu'Allah le fasse entrer au paradis. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد واللفظ له وأبي يعلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك بمعنى أنا مستمر في الليل وفي النهار وعلى كل حال في إغواء العباد يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم استغفروني. Encore un autre hadith qui montre Adawat Shaitan. Il était rapporté d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, chez l'imam Ahmed dans son Mousnad, volume 3, page 29. Et la formulation est la sienne. Et chez Abu Ya'la, volume 1, page 530, numéro 1399, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Satan certes a dit, par ta puissance, ô Seigneur, je ne cesserai jamais de séduire tes serviteurs. C'est-à-dire, je serai assidu, jour et nuit, et en toute situation, dans la séduction des serviteurs. Par ta puissance et ta magnificence, ô Seigneur, je ne cesserai jamais de séduire tes serviteurs tant que leurs âmes se trouvent dans leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala dit, par ma puissance et ma magnificence, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Ya muslim, Allahu ma'ak, yuridu najatak, yuridu sa'adatak, yuridu hifdak, yuridu difa' ank, wa subhanahu khairun nasirin. في دنياك وأخراك يريد إنقاذك من هذا العدو مع من أنت هل أنت مع هذا العدو الذي ما يريدك أن تقول أستغفر الله وأنت تعلم كم علينا من ذنوب وكم عندنا من أخطاء ومعاص وتقصير فنحن بحاجة إلى عبادة الله وطاعة الله والتضرع بين يدي الله والدعاء والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولكن مع هذا كله ومع حاجتنا إلى هذا كله الشيطان لا يريد أن نقول أستغفر الله فلعندك يا مسلم استعداد أن تعرف هذا العدو حتى تتصدى لمقاومته ومحاربته فما أكثر ما أفسدنا الشيطان إلا من رحم الله. Ô musulman, Allah est avec toi et veut ton salut, et veut ton bonheur, et veut te préserver, et veut te protéger. Et il est le meilleur des secoureurs dans ta vie terrestre et dans ta vie de l'au-delà. Il veut te sauver de cet ennemi. Avec qui es-tu donc? Avec qui es-tu donc? Es-tu avec cet ennemi qui ne veut pas que tu dises « Je demande pardon à Allah » alors que tu sais que, comme sont nombreux nos péchés, et comme sont nombreux nos erreurs, et nos désobéissances, et nos manquements, nous sommes donc en besoin d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'obéir à Allah, et d'être humble devant lui, et de l'invoquer, et de lui demander pardon, et de le glorifier, hein? Et de dire subhanallah, et de dire alhamdulillah, de faire ses louanges, et de dire la ilaha illallah, et de dire Allahu Akbar. Et c'est comme ça que les gens de la sunna sont toujours dans le dhikr. La yazalu lisanuka ratban bidhikrillah. Toujours dhikr, dhikr, dhikr, dhikr. Quand Cheikh Fala Asma'il nous fait des cours, il est assis, et pendant que le traducteur traduit, il fait dhikr. Pour les frères qui écoutent la langue arabe, les cours sont en langue arabe, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, c'était très connu de lui. Hein? Il est au téléphone, et na'am, na'am, la yajouz, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Toujours dans le dhikr, toujours. Toujours. Et tu l'entends dans les cassettes, tu l'entends, quand tu fais attention, tu vois qu'en fait le shirk, pendant qu'il écoute la question, hein, il est occupé à faire dhikr. Il ne perd pas son temps. C'est ça, c'est. Hein? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Ces gens-là, c'est pour ça qu'Allah a dit, on a fait des imams. Rafa'ana laka dhikrak. Allah les a élevés pour leur piété. N'hasibum kadalik. Wala nuzaki ala Allah ahada. N'as-Allah azwenn yataqabbala minhum an yarzuqahum al-firdaus al-a'la. Après, si je voulais, je vous raconterai une histoire avec Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Si vous suivez bien, que vous répondez bien aux questions, sinon, pas d'histoire. Vous avez des enfants avant de dormir, non? Je ne raconte pas d'histoire. Cheikh, il dit, mais malgré tout cela, et malgré notre besoin à tout cela, Satan ne veut pas que nous disions « Je demande pardon à Allah ». Es-tu donc prêt aux musulmans à connaître cet ennemi, afin que tu t'attaques à lui, à lui résister, à lui faire la guerre? Combien nous a pervertis Satan, à l'exception en fait de ceux à qui Allah a fait miséricorde? Et puis, chère, il va résumer tout ce combat contre ce troisième ennemi qui est Satan, en disant la chose suivante. Et il dit « وحقيقة المعركة بيننا وبين الشيطان نختصرها في أمرين ». الأول الحيلولة بين المؤمنين وبين الإقبال على الله على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بالتثبيط والتخذيل ومن خلال هذه الحيلولة يظفر الشياطين من المؤمنين بترك الطاعة بالكلية أو في وقت دون وقت ولا يأتي بها على وجهها أو يزيد على المشروع حتى يقع في الابتداع في الدين. الثاني دعوة شياطين الجن والمؤمنين إلى المعاصي بالتزيين لها والتسويل والتغرير وغير ذلك. Nous allons résumer la réalité du combat entre nous et Satan en deux points. Il se met entre les croyants et le fait qu'ils s'attachent à obéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en les démoralisant et en les faisant abandonner. Et on va voir, inshallah, dans un de nos cours de cette conférence, inshallah, que Shaitan, il vient, il teste la personne. Regardez Shaitan, il vient, il te teste. Il regarde si tu, en toi, si tu démoralises vite et que tu abandonnes vite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dans ce sens-là, il fait tout pour que tu lâches. Et s'il voit que non, tu as de la force et que tu t'accraches et que tu t'aides, etc., eh bien, il vient, il essaie de faire exagérer dans la religion. De cette manière, les démons triomphent des croyants en les faisant délaisser l'obéissance complètement ou de temps en temps. Ou qu'ils ne s'en acquittent pas de manière correcte, ou qu'ils ajoutent à ce qui est légiféré, et que donc ils tombent dans ce qui est innové dans la religion. Deuxième chose, l'appel des démons, bien si vous voulez, deuxième chose qui résume le combat de Satan contre nous, l'appel des démons parmi les djinns aux croyants vers les péchés. Ils les appellent aux péchés. En les leur embellissant, et en les tentant et en les dupant. Puis cher, il dit, Akum salam. والقرآن والسنة مليئان بالأدلة التي تدل على ما قلنا وهذا ما أدركه أهل العلم قال مخلد بن الحسين ما ندب الله العباد إلى شيء إلا اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر إما غلو فيه وإما تقصير عنه. انظر سير أعلام النبلاء. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ويتكلم عن كيد الشيطان ومن كيده العجيب أنه يشأم النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها قوة الإقدام والشجاعة أو قوة الانكفاف والإحجام والمهانة فإن رأى الغالب على النفس والمهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عند المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام على وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. مخلد بن الحسين الذي ou plutôt Cheikh Mohammed l'imam il dit d'abord le Coran et la Sunna sont pleins de preuves qui indiquent ce que nous avons dit et c'est ce que les gens de science ont compris. مخلد بن الحسين il a dit Allah n'a pas chargé les serviteurs de quelque chose sans que Satan ne s'y oppose de deux manières. Elle ne se soucie pas de laquelle des deux il obtient. Soit par l'exagération dans cette chose, soit par le manquement dans cette chose. Voir Sir Alam Nubala de l'imam al-Zahabi, volume 9, page 236. Et l'éminent savant Al-Qayyim rahimahullah, il a dit dans son livre Iratatul Lahfan, volume 1, c'est quoi le titre complet d'Iratatul Lahfan? À la fin, c'est quoi? C'est Masa'id Shaitan. Hein? Et d'ailleurs, il y a un passage intéressant dans ce livre-là où Al-Qayyim rahimahullah, il rapporte les signes du cœur malade et les signes du cœur qui est en bonne santé. Donc toi, si tu veux savoir comment est ton cœur, ben, tu regardes les signes. Hein? Il dit dans son livre Iratat al-Lahfan, min Masa'id al-Shaytan, volume 1, page 164, en parlant de la ruse de Satan, et fait partie de son étonnante ruse qu'il afflige l'âme, afin qu'il sache laquelle des deux forces y sera la gagnante, la force d'avancer de courage ou la force d'abstention et de défection et d'impuissance. S'il voit que ce qui est plus fort en l'âme, c'est l'impuissance et la défection, alors il se met à la démoraliser et à affaiblir sa motivation et sa volonté quant à ce qui lui est obligatoire, et le lui alourdit. L'abandon devient alors facile jusqu'à ce qu'il abandonne complètement ou devient négligent et est des manquements. Et s'il voit que ce qui est plus fort en l'âme, c'est la force d'avancement et la haute motivation, il se met à lui faire croire que ce qui lui est obligatoire ne lui est pas suffisant et à le dénigrer, et qu'il a besoin de faire plus et d'exagérer. Et le premier devient négligent et le deuxième exagère. Écoutez, ça le dit Cheikh Moumim Bayan Bari, un ta'lam, ya muslim, un shaitan, un musallat alayk, la yatrukuka, hatta inda sakarat il maut. La yatrukuka wa anta tarhalu anid dunya, wa sirta ala babil akhira. J'ai un hadith Abil Yassar, un rasul alayhi salatu salam, kana yad'u bi du'a'in wa fihi. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم فالشيطان يتخبط العبد عند الموت ومعنى ذلك يذهب بعقله أو يذهب بعقله يمنة ويسرة ويجلب عليه الشكوك في قدرة الله ورحمته ومغفرته فالشيطان إن استطاع أن يحظي منك عند سكرة الموت بكلمة من الشر والظلم والمنع للحقوق فقد انتصر عليك. Cheikh, il dit quoi ici? Il dit que il convient que tu saches, aux musulmans, que Satan t'est envoyé et ne te laisse pas, même à l'agonie, quand tu meurs. Quand tu es en train d'agoniser, mais Shaitan ne te laisse pas. Il ne te laisse pas alors que tu pars de ce monde et que tu es à la porte de l'au-delà. Et c'est une doua que j'ai fait avec certains enfants à l'école en 4e année. Il a été rapporté d'après le hadith d'Abou Yassar que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait une invocation dans laquelle il disait: et je cherche refuge en toi contre le fait que Satan me fasse perdre la raison au moment de mourir. Tu demandes Allah Azza wa Jalla. C'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud et Al-Nasa'i et d'autres. Donc Satan fait perdre la raison, fait perdre raison au serviteur au moment de mourir. Il ne te lâche pas jusqu'à la dernière seconde. Et le sens de cela est qu'il fait aller sa raison de droite à gauche et lui fait avoir des doutes sur la puissance d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde et son pardon. Satan, s'il peut obtenir de toi, lors de ton agonie, une parole de mal et d'injustice, et de privation des droits, il t'aura alors vaincu. Cheikh, il dit, فَهَلْ تَتَصَوَّرْ وَهَلْ تَوَقَّعْتَ أَنْ هَدَ الْعَدُوَ وَرَأَكَ وَلَكَ بِالْمِرْصَادِ حَتَّى عِنْدَ سَكَرَةِ الْمَوْتِ مع أن الشخص عند سكرة الموت لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا هو حول الأولاد ولا هو يريد أن ينصر حزبا ولا يريد شيئا الدنيا قد طلقها ومع هذا يسعى الشيطان لإفساده عند سكرات الموت. هل رأيت عدوا يتوصل إليك هكذا ويفعل بك هكذا ويمكر بك هذا المكر؟ لا والله. ولهذا ملئ القرآن بالتحذير من العدو، ولكن صار كثير منا لا يتفقه ولا يتدبر القرآن الكريم، وبعضنا وإن فقه إلا أنه لا يعمل به. Cheikh, il dit, t'imagines-tu et as-tu pensé que cet ennemi est derrière toi et aux aguets te concernant, et ce jusque dans ton agonie, en sachant que les gens au moment de mourir, tu es en train de mourir, ça, là, c'est fini, tu vas voir toi, tu retournes, hein, c'est fini pour toi. en sachant que les gens au moment de mourir ne veulent pas d'argent, ils ne veulent pas de rang, ils ne sont pas autour des enfants, ils ne veulent pas assister à un groupe, un hizb, ils ne veulent rien du tout. Ils veulent rien de tout ça. Ils ont divorcé la vie d'ici-bas. Voilà, c'est en train de partir. Et malgré cela, Satan s'applique à les pervertir dans leur agonie. As-tu vu un ennemi qui te corrompt de cette manière et qui se comporte envers toi de cette manière et qui ruse contre toi de cette manière? Non, par Allah. Et c'est pour cette raison que le Coran est rempli de mise en garde contre cet ennemi. Mais beaucoup d'entre nous n'apprennent plus et ne méditent plus au sujet du noble Coran. Et certains d'entre nous, même s'ils savent, ne mettent pas cette science en pratique. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite la science du Coran, de la Sunna sur la compréhension des Sahaba et qu'il nous facilite sa mise en application. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc le cours prochain on termine cet ennemi là, il reste plus beaucoup inchallah, et puis on fait le dernier ennemi et on aura clôturé par cela cette épître de Cheikh Mohammed l'imam, qu'Allah le préserve lui fasse miséricorde, qui a pour titre: oh toi le musulman, tes ennemis sont au nombre de 4. Wa jazakum Allahu khairan. Et donc le prochain cours c'est à après dhuhr, hein, après dhuhr. Ça veut dire, ça fait dhuhr, ça va jusqu'à l'asr, hein. Après dhuhr, c'est-à-dire, ay, aqiba dhuhr. C'est-à-dire, hein. Voilà, tu fais ton salat dhuhr, tu fais ton dhikr, tu fais le rawatib, hein. Et après, on commence directement, inchallah.